Comme chaque lundi, eh bien, on se replonge dans l'humain et le vivant. À moins que vous ne viviez sur une planète très lointaine ou dans un espace totalement vierge du bruit médiatique, il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. C'est pourquoi nous avons choisi de nous pencher sur la question de l'apprentissage. Comment notre cerveau emmagasine-t-il des informations? Comment se structurent nos connaissances depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte? Quelle influence peuvent avoir les neurosciences et les sciences cognitives sur les méthodes d'enseignement? Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Apprentissage, les mécaniques de la matière grise, c'est l'énoncé du problème que nous allons tenter d'éclairer dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour apporter toutes les lumières nécessaires à ces problèmes ô combien éclairants, eh bien nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ghislaine Dehaene-Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre, directrice de recherche CNRS de l'équipe de neuroimagerie du développement à Neurospin. Nous avons également le plaisir d'accueillir Grégoire Borst. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives à l'université Paris Descartes. Vous êtes également chercheur au laboratoire CNRS de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant et co-auteur avec Arnaud Cacchia du Que sais-je, les méthodes en psychologie au PUF. Nous sommes comme chaque jour en direct sur le fil Twitter de l'émission où vous pourrez trouver un certain nombre de liens vers les études, vers un certain nombre de dossiers que nous allons évoquer tout au long de cette heure pour compléter votre écoute, donc en vous abonnant au fil @laméthodeFC. Alors pour commencer, ce mot apprendre, associe d'intéressant entre autres, que c'est une énantiosémie, comme on dit en linguistique, c'est-à-dire qu'on apprend à savoir, on le reçoit et on le transmet avec le même mot, ce qui donne déjà toute la difficulté, toute la polysémie qui va nous intéresser au cours de cette heure, Ghislaine Dehaene. Oui, et en plus, on apprend très très tôt ce qu'on oublie souvent, c'est-à-dire que d'abord, le cerveau est l'organe d'apprentissage, c'est ça qui nous sert à apprendre. Tout se passe dans nos neurones, et la grande question que nous avons, Grégoire et moi, et ainsi que beaucoup de gens actuellement, c'est de savoir comment des cellules arrivent à penser, arrivent à créer des poèmes, arrivent à faire de la musique, arrivent à créer tout ça, et évidemment, à partir de quand ? Grégoire Borst, sur cette notion d'apprentissage qui est à la fois un acte de recevoir et de transmettre. Il y a recevoir, transmettre, et donc il faut aussi comprendre le cerveau dans son contexte social, parce qu'on apprend souvent dans un contexte social, donc c'est sûr qu'il faut comprendre comment les cellules apprennent, et ensuite il faut comprendre comment les cellules apprennent dans un contexte social, souvent d'interaction de tutelle avec quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas. Ça c'est un type d'apprentissage, mais il y a plein d'autres apprentissages, parce qu'on sait que le bébé apprend très vite. Mais le bébé apprend avec ses parents, donc il apprend aussi avec quelqu'un, il apprend pas tout seul, effectivement. Et on va voir qu'il apprend très tôt, puisqu'il apprend dès les étapes évidemment in utero de formation de ce cerveau et de spécialisation des cellules. Mais pour commencer, alors peut-être sur une vision un peu panoramique ou un peu générale, est-ce qu'on connaît aujourd'hui exactement ce que sont les mécanismes de l'apprentissage? Est-ce qu'on peut les résumer? Est-ce qu'on peut les synthétiser? Ou est-ce qu'ils sont trop divers pour pouvoir les pointer exactement? Grégoire Borst. Je vais prendre en fait le contre-pied de votre question. Mm-hmm. Je veux dire que généralement l'apprentissage, on l'entend dans notre capacité à emmagasiner des informations d'une certaine manière. C'est, je dirais, l'acceptation la plus générale de ce terme-là. Mais je pense que apprendre, c'est aussi d'une certaine manière apprendre à désapprendre. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ses routines. Donc je dirais que ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc en fait, on vient un peu après. L'apprentissage, c'est d'abord de créer des routines, des automatismes. Et dans un second temps, c'est aussi apprendre à sortir de ces automatismes. Donc c'est une vision un peu différente de l'apprentissage de façon général. Et de votre point de vue, Ghislaine Dehaene? Moi, je suis évidemment, je m'occupe du bébé, donc avant l'apprentissage assez explicite qu'on voit à l'école, qui est, à mon avis, une différente chose. Mais ça ne veut pas dire qu'apprendre, ça c'est très tôt. Donc, vous me prenez un petit peu au dépourvu en me demandant une définition. Alors... Moi, je suis un médecin, donc je suis très pragmatique. J'essaye plutôt de comprendre ce que je vois devant moi plutôt que de donner des grandes définitions sur qu'est-ce que c'est que l'apprentissage. Ce qu'on voit, c'est que effectivement, même des organismes très simples apprennent. Je veux dire, une larve de poisson, elle apprend à ne pas aller dans l'eau chaude. Donc, en fait, il y a des mécanismes d'apprentissage très simples qu'on voit très tôt, et quand on arrive à l'humain, des mécanismes beaucoup plus compliqués où on doit apprendre justement en fonction de l'autre, et où nos amis de Hongrie ont montré que, par exemple, ce qu'ils appellent un module pédagogique n'existerait que dans l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'on serait la seule espèce qui sait enseigner, ce qui est différent d'apprendre. Tout le monde apprend, tout organisme apprend à éviter, par exemple, une mauvaise conséquence de son acte ou à aller vers une récompense. Mais enseigner et savoir qu'on est enseigné, apparemment, seule l'espèce humaine est capable de ce genre de choses. Et même une bactérie apprend à se défendre contre des virus. Donc on va parler des mécaniques d'apprentissage pédagogique, enfin, et puis même un peu plus large, parce que finalement, on voit que les enfants en formation apprennent eux-mêmes aussi un certain nombre de choses que vous allez nous détailler dans quelques instants. Est-ce qu'il y a des zones cérébrales réservées, dédiées à l'apprentissage? Ou est-ce que c'est un apprentissage diffus? Non, c'est beaucoup plus diffus, mais toutes les régions cérébrales n'apprennent pas la même chose. Alors on fait souvent la comparaison entre le cerveau et l'ordinateur, mais c'est un peu faux, dans le sens qu'un ordinateur, une région de votre disque dur est identique à une autre région de votre disque dur. Dans un cerveau, la région qui s'occupe de l'audition ne fait pas et n'est pas organisée de la même façon que la région qui s'occupe de la vision. Et elles vont apprendre des choses différentes. La vision va être très concernée par tout ce qui est spatial et comment extraire, par exemple, un visage de votre environnement. Ou reconnaître un mot, ou reconnaître une équation, ce qui est important à l'école, alors que l'audition va plutôt s'intéresser à la temporalité, donc ça veut dire que les cellules et les neurones qui sont derrière vont être organisés de façon différente dans ces deux systèmes sensoriels. Et là, on parle que de la sensorialité, mais après, vous avez la réflexion et le système frontal, la prédiction à long terme, la planification, et ça encore, ça nécessite un autre arrangement. Et ce qu'on ne sait pas très bien pour le moment, au point de vue des neurosciences, c'est de savoir comment exactement doivent être organisés ces circuits pour produire ce type de propriété d'apprentissage. Et est-ce que les méthodes d'apprentissage peuvent solliciter différentes zones en fonction de la façon précisément où on essaie de transmettre un savoir? Clairement, c'est-à-dire que la façon dont on va présenter l'information, c'est ce qu'on disait à l'instant, elle va solliciter des zones très différentes de notre cerveau. Alors on peut dire une chose, c'est qu'effectivement on sait qu'il y a une région quand même de notre cerveau, l'hippocampe, qui s'occupe de stocker les informations à long terme. Ça, on est relativement OK là-dessus. Après, c'est vrai que chaque région a un rôle et une organisation propre et un mode de fonctionnement propre. Et il y a aussi une question de dynamique dans le cerveau. En permanence, le cerveau, il n'est jamais exactement comme il était une seconde avant et une seconde après. Et pourtant, il est capable, dans certains cas, de produire la même réponse. Donc c'est ça qui est aussi important, je dirais, dans le cerveau humain, c'est qu'il est beaucoup moins déterministe, d'une certaine manière, que les ordinateurs. C'est aussi ça la grande différence. C'est que c'est un système largement stochastique, mais qui est capable, d'une certaine manière, de produire à des moments, dans certains contextes, les mêmes réponses. Alors, peut-être qu'il est important aussi de refaire un point sur le développement cérébral pour comprendre comment tout cela s'organise, puisqu'il y a deux grandes phases de développement. Une phase, je le disais tout à l'heure, in utero, qui va à peu près jusqu'au cinquième mois de grossesse, et puis une seconde phase qui commence à partir du sixième mois et qui se poursuit jusqu'à 25-30 ans. In utero, par définition, c'est toute la durée de la grossesse. Sinon, vous êtes plus in utero, êtes ex utero. Donc, je ne sais pas si je séparerais les choses comme ça. Je pense que le développement cérébral, on a beaucoup voulu le voir de façon, comme vous le dites, en étapes. C'est sûr que du point de vue du comportement, on voit des étapes différentes. C'est-à-dire, on voit un bébé qui ne marchait pas et un bébé qui marche. Et un bébé qui ne produisait pas de mots et qui, tout d'un coup, développe son vocabulaire. C'est ce qu'on appelle l'explosion lexicale qu'on voit à 2 ans ou tout d'un coup, il avait vraiment 2 mots et tout d'un coup, il en acquiert 50 par jour. Donc, on voit sur le comportement des ruptures. Mais quand on regarde le développement cérébral, on ne voit pas ces ruptures. On voit quelque chose de beaucoup plus continu. Et donc, c'est ça la difficulté qu'on a un petit peu actuellement, parce qu'on a toutes ces belles machines pour regarder le cerveau in vivo et pour le regarder maintenant chez l'enfant de façon tout à fait confortable pour l'enfant. Simplement, on n'arrive pas à trouver le même type de rupture dans le développement cérébral que dans le comportement. D'où la difficulté à relier l'un à l'autre. Alors, est-ce que c'est comme le vase, il suffit de mettre la dernière goutte pour qu'il déborde, et pour le robinet c'est continu, mais pour le vase il y a une rupture, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas encore? Donc voilà un petit peu où on en est. Grégoire Bosse, votre opinion sur ces stades de développement, vous pensez aussi qu'il s'agit beaucoup plus d'un continuum que de quelque chose qui fonctionne avec un avant-après des phénomènes de rupture? Je pense que c'est encore plus complexe que ça. Je pense qu'on a l'impression d'un continuum parce qu'on a un biais fondamental quand on est psychologue du développement. En tout cas, quand on est psychologue du développement, ça va être considéré que comme l'âge est un système chronologique et linéaire, alors le développement devrait être linéaire. Alors déjà, on montre qu'il y a des ruptures dans le développement, clairement, et qu'en plus, c'est beaucoup moins linéaire qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'on voit des erreurs réémerger au cours du développement, des choses qui semblaient complètement acquises, qui tout d'un coup semblent perdues dans les limbes du cerveau des enfants et qui vont réapparaître un peu plus tard. Et que ça, je dirais que d'une certaine manière, cette idée que le cerveau se développe de façon aussi, en fait, beaucoup moins linéaire qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'il y a des maturations qui ne vont pas forcément à la même vitesse dans les différentes régions du cerveau. Oui, alors ça, c'est différent. C'est-à-dire qu'effectivement, la dynamique est très particulière. C'est-à-dire, si je regarde mon système auditif, par exemple, je vais voir qu'il y a un moment où toutes ces cellules sont ensemble, qu'elles vont émettre beaucoup de trop de synapses, qu'on va les éliminer, qu'il va y avoir une myélinisation, etc. Et je peux le décrire de façon assez connue dans le système auditif, la même chose dans le système visuel. Le problème dans le cerveau humain, c'est qu'il y en a un qui va avoir un calendrier. Par exemple, le système visuel va se développer hyper vite dans les trois premiers mois de vie, alors que le système auditif va s'étaler sur 3 ans. Quant au système frontal, et là je fais des grosses divisions qui sont certainement beaucoup plus complexes que ça, ça va s'étendre jusqu'à 20 ans. Et la question, c'est de savoir comment ces systèmes se parlent entre eux. Par exemple, si vous êtes un bébé et que vous regardez votre maman parler, et que vous devez apprendre, au tout départ, on ne le sait pas, enfin le bébé ne le sait pas, que quand elle ouvre la bouche, ça fait un A. Ou quand elle étire les lèvres, ça fait un I. Mais imaginez que quand vous regardez votre maman pendant les 3 premiers mois de vie, votre système visuel s'accélère énormément, donc vous passez d'une réponse, puisqu'on peut mesurer la vitesse de la réponse cérébrale grâce à des techniques comme les potentiels évoqués. Donc disons qu'à la naissance, la réponse à un visage, la première réponse qu'on peut voir dans le cerveau est à 300 millisecondes. À 3 mois de vie, elle est à 100 millisecondes. Donc vous avez accéléré considérablement la vitesse dans votre cerveau. 100 millisecondes, c'est la latence de l'adulte. Donc là, on est arrivé déjà à la latence de l'adulte. Mais du point de vue auditif, le son A, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire, pendant ces 3 premiers mois, la réponse est à peu près à la même vitesse. Comment le cerveau va arriver à intégrer tout ça? Donc, le fait que vous avez des dynamiques différentes dans ces différentes régions cérébrales va produire des ruptures. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile à caractériser que de dire, je regarde un système et celui-là, je le suis. Parce qu'on ne sait pas quelle est la maturation cruciale qui va faire basculer un système dans un autre état. On a des états, mais on ne sait pas d'abord ni les caractériser, ni comment les faire basculer. Donc voilà où on en est pour le moment. En termes physiologiques purs, il faut peut-être repréciser quelque chose, c'est qu'on a pendant longtemps cru que à la naissance le cerveau était à peu près formé, que ça bougeait plus. On sait maintenant que il y a des réseaux neuronaux qui se créent, il y a des réseaux neuronaux qui se perdent, et surtout que il y a des centres de production neuronaux qui continuent à évoluer et à compléter le cerveau un peu tout au long de la vie, en tout cas jusqu'à Ghislaine Dehaene. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce qu'on a été plutôt à l'inverse. Moi je me souviens, je suis pédiatre. Quand j'ai fait mes études il y a 25 ans, le nouveau-né était sous-cortical, c'est-à-dire son cerveau ne marchait pas. Et puis après, jusqu'à même 10 ans, les régions frontales, qui sont donc ces régions qui se développent plus chez Homo sapiens par rapport à tous les autres animaux, et qui ont cette maturation très prolongée jusqu'à l'âge adulte, le bébé, on le dénuait de toute activité frontale. Or, ce qu'on voit avec les méthodes d'imagerie, c'est que les réseaux, par exemple le réseau du langage, quand on présente une phrase à un adulte ou quand on la présente à un bébé, on a exactement les mêmes activations. C'est-à-dire les mêmes régions cérébrales vont être sollicitées. Et même, on a fait des études avec nos collègues d'Amiens chez des prématurés à 6 mois de grossesse, donc des prématurés extrêmes. On leur fait écouter des syllabes et on retrouve les mêmes activations et donc aussi des régions frontales. Donc, en fait, c'est évidemment, ce que je dirais, c'est que le schéma de l'organisation de ces réseaux, elle est présente dès le départ. C'est ce qui fait qu'on est humain. Et c'est ce qui fait qu'un cerveau d'humain est différent d'un cerveau de chimpanzé, qui est différent d'un cerveau de souris. C'est-à-dire, chaque espèce a sélectionné un certain type de réseau pour apprendre dans son environnement. Mais vous avez raison, ces réseaux vont être raffinés, vont être affinés par l'environnement, par l'instruction et par ce que vous allez rencontrer. Mais on ne va pas créer des nouveaux réseaux. C'est en fait, on va sélectionner dans dans ce modèle qu'on a dès le départ, ce qui est important pour résoudre les tâches dans lesquelles vous êtes dans votre environnement. Qu'est-ce qu'on appelle précisément, Grégoire Borst, la plasticité cérébrale? En quelle mesure ça a une influence précisément sur l'apprentissage et sur la spécification de ces réseaux d'apprentissage neuronaux? Pour faire simple, les premières études, une des études en tout cas qui fait le plus de bruit, c'est les études de Dragonski sur l'idée que avant et après l'apprentissage du jonglage, on a une modification de la structure même du cerveau, c'est-à-dire de l'épaisseur corticale qui va se modifier suite à un apprentissage intensif, notamment dans des zones qui sont dévolues au mouvement dans le système visuel. Donc c'est que même à un niveau assez bas, dans les aires postérieures du cerveau, on peut avoir des modifications très, très prononcées suite à un apprentissage. Bon, la grande question, c'est est-ce que ça reste une fois qu'on arrête l'apprentissage? Alors des fois, on voit que ça revient au niveau d'origine. Mais c'est ça la neuroplasticité. C'est finalement tous ces mécanismes cérébraux qui se modifient suite à une exposition à l'environnement, alors que ce soit un environnement d'apprentissage ou un environnement de façon plus générale. Et puis il y a des choses qui bougent beaucoup moins dans le cerveau, c'est-à-dire qu'on sait aussi qu'il y a des choses qui ne vont pas bouger dans le cerveau. C'est-à-dire qu'un peu c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a un programme d'une certaine manière, mais je dirais que le lobe pariétal ne va pas changer de place dans le cerveau et il aura quand même une fonction qui est globalement relativement la même chez tous les individus. Vous parliez tout à l'heure, Ghislaine Dehaene, d'élimination de neurones excédentaires. Ça veut dire que petit à petit, il y a des zones qui ne servent pas et qui sont automatiquement sélectionnées précisément en fonction des apprentissages? Il n'y a pas des zones qui ne servent pas, mais disons que localement, ce n'est pas vraiment les neurones qu'on perd. Hein. L'élimination neuronale, c'est surtout pendant la grossesse. Il y en a eu en excès, on les a éliminés. Mais ce qu'on voit à partir de la naissance, c'est plutôt une surproduction des connexions entre ces neurones, des synapses. Et c'est celle-là qu'on va modifier et qu'on va perdre en fonction de l'apprentissage. Parce qu'on va... Ce qui est assez logique, on veut se donner... Vous êtes un petit bébé, vous savez pas si vous allez naître dans une famille chinoise où vous avez besoin de percevoir les tons dans la langue, ou dans une famille française où ça sert à rien. Donc c'est pas la peine de garder des choses qui ne sont pas très utiles. Et donc ce qui fait aussi un des problèmes de la plasticité, c'est pas tellement à la limite que vous n'avez plus de plasticité, de capacité de fabriquer des synapses. Parce que vous, adulte, vous allez encore apprendre des choses, vous allez apprendre des nouveaux mots, vous allez apprendre même des nouveaux domaines. Simplement, si vous êtes devenu spécialiste, et par exemple dans le langage, vous êtes devenu spécialiste de votre langue maternelle, d'oublier tout ce que vous avez appris pour apprendre d'autres paramètres, ça c'est difficile. Donc si par exemple vous êtes un bébé, un adulte français, vous n'avez pas eu à utiliser les tons, réapprendre cette perception des tons ascendants, descendants que vous avez dans des langues comme le chinois ou le japonais, ben pour vous c'est impossible. Parce que qu'est-ce que fait un cerveau? Pourquoi on dit que c'est un organe d'apprentissage et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être le plus efficace possible. Donc s'il y a des choses qu'il peut automatiser, il faut qui les automatise. Donc, pour percevoir la langue, il faut devenir expert dans la langue. Surtout que, comme vous l'avez pu le noter, des fois, je bafouille. Vous allez quand même comprendre ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que vous allez être capable, votre cerveau d'écouteur, d'auditeur, va être capable de reconstruire ce que je veux dire, malgré que j'ai fait des erreurs. Donc, vous êtes obligé de normaliser un petit peu ça. Donc, des fois, quand je donne peut-être un son qui peut-être serait important en chinois, mais qui ne l'est pas important en français, vous le négligez, parce que ça ne va servir à rien pour me comprendre. Donc voilà, vous devenez expert dans dans ce que vous savez faire. Et quand vous devenez expert, et ben c'est plus difficile, surtout si vous devez réapprendre une expertise qui est très proche de cette première expertise, de perdre un petit peu pour pouvoir apprendre autre chose. Donc c'est pour ça que c'est, par exemple, pour les langues, on sait que c'est beaucoup plus difficile d'apprendre une seconde langue à l'âge adulte que chez l'enfant. Alors apprendre à lire, ça a été une des questions aussi, parce que puisqu'on revient, on revient un peu à l'école, est-ce qu'il y a des âges plus facile pour apprendre à lire, alors que là c'est une activité purement culturelle, c'est pas comme les langues. Est-ce que le fait qu'à travers toutes les civilisations et même les civilisations antiques, c'est assez marrant, apprendre à lire se fait relativement tôt, vers 6-7 ans, est-ce que c'est parce que c'est plus facile, la région du cerveau qui s'occupe de reconnaître les lettres, dont on sait qu'on est obligé de quelque part la créer, hein, parce que c'est avant d'apprendre à lire, on ne sait pas reconnaître des lettres, on ne sait pas leur associer un son, donc il faut l'apprendre. Est-ce que cette région est particulièrement plastique parce qu'elle n'a pas de spécialité au moment de 6-7 ans, alors que chez l'adulte, on sait que c'est plus difficile à apprendre. Et bien sûr, l'apprentissage de la lecture, je vous propose d'écouter quelqu'un que vous connaissez confusément, Ghislaine Dehaene, il s'agit de Stanislas Dehaene sur l'apprentissage de lecture. Essentiellement, apprendre à lire, ça consiste à accéder par la vision aux aires du langage parlé. Nous avons dans le cerveau, la plupart d'entre nous dans l'hémisphère gauche, des régions qui sont impliquées dans le traitement du langage parlé, qui nous permettent de comprendre le lexique, la syntaxe, la sémantique des paroles. Et ces régions sont organisées très précocement chez l'enfant. On sait que chez le bébé de 2 mois déjà, lorsqu'on va présenter du langage parlé, eh bien ces régions vont s'activer à l'endroit où elles se trouveront par la suite chez l'adulte. Donc ce circuit est déjà très organisé. Et bien entendu, vers 2-3 ans, lorsque l'enfant connaît cette explosion lexicale, qu'il apprend le lexique de sa langue, puis les principes d'organisation des mots, toutes ces régions vont se mettre en place. Alors apprendre à lire, ça consiste essentiellement à créer une voie de substitution. Au lieu de rentrer par la modalité auditive, on va rentrer dans ce réseau par le biais de la vision. Et ça signifie que en entrant dans le cortex visuel, on va créer un certain nombre de réseaux dans le cerveau qui vont permettre de reconnaître la séquence de lettres, la séquence de graphèmes, qui permet de coder chacun des phonèmes de la langue et donc de transformer ces marques sur le papier en sons qui nous parlent, qui permettent d'être réutilisés à l'intérieur du système du langage. Je vous montrerai aussi qu'il y a des circuits attentionnels qui jouent un rôle important, que les gestes d'écriture sont également décodés par d'autres régions dans le cerveau. Ceci est un petit aperçu de la complexité de ces réseaux de la lecture. Voilà, une réaction peut-être à cette description des méthodes d'apprentissage de la lecture, Grégoire Borse, pour commencer, par Stanislas Dehaene, qui est donc neuroscientifique, professeur en psychologie cognitiviste notamment. Non, mais c'est vrai que ça, c'est le cœur de ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a deux étapes. Il y a l'automatisation, c'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir apprendre très rapidement à décoder ces lettres et ces mots écrits, alors qu'effectivement, avant, on avait l'entrée auditive, on a l'entrée visuelle, qu'on va réutiliser finalement des territoires qui étaient utilisés pour d'autres fonctions. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Donc c'est cette idée de recyclage neuronal, c'est-à-dire qu'à un moment, on va utiliser des neurones qui étaient spécialisés dans la reconnaissance visuelle des objets ou des visages, et qu'on va les réutiliser finalement pour reconnaître des lettres, des mots écrits. Et cette réutilisation finalement de territoires qui étaient dévolus à d'autres fonctions auparavant, ça crée des bugs d'une certaine manière. Ça crée par exemple la difficulté à reconnaître le B du D parce que ces régions, ces neurones, ils ont la propriété de généraliser en miroir. C'est-à-dire que si vous, dans votre système visuel, si un tigre entre par la gauche ou par la droite, en gros, vos neurones répondent exactement de la même manière. C'est totalement adaptatif parce que sinon, si vous prenez 5 secondes de plus pour reconnaître le tigre qui rentre par la gauche ou par la droite, vous faites manger. Donc d'un point de vue adaptatif, il faut que vos neurones répondent de la même manière. Sauf que si vous avez des lettres en miroir, type B, D, P, Q, et ben vous allez faire des erreurs au début de la lecture. Et donc, il va falloir qu'il y ait aussi un mécanisme. C'est-à-dire qu'il y a l'automatisation et il y a, je dirais, la correction par moment pour sortir, pour être adapté, pour s'adapter à son environnement. Par moment, il va falloir apprendre au cas par cas à bloquer certains automatismes. Et un automatisme qui peut être un automatisme neuronal, qui est la généralisation miroir. Ghislaine Dehaene, cette notion de recyclage, elle est très importante au tout dans les premières années de l'apprentissage, ou est-ce que c'est quelque chose qui perdure tout au long de la vie? La question, c'est que du recyclage neuronal, c'est comment la culture va sélectionner des réseaux qui n'ont pas été sélectionnés pour, par exemple, lire ou pour se servir d'un ordinateur. Il ne faut quand même pas oublier que le cerveau humain est un produit évolutif, mais pour vivre dans la savane, pour permettre à Homo sapiens de chasser. Donc, ce qu'on appelle recyclage neuronal, c'est comment on arrive à détourner ces réseaux pour faire ce dont on a besoin maintenant dans la vie de tous les jours. Et donc, la question, ce n'est pas seulement que comment la lecture sélectionne les bons réseaux, mais comment aussi on a sélectionné les bons objets pour notre cerveau, c'est-à-dire pourquoi, par exemple, c'est plus des hiéroglyphes avec des objets très pas très abstraits qu'on arrive à des formes de plus en plus abstraites. C'est sans doute parce que si la forme est très concrète, elle va se retrouver en concurrence, comme Grégoire le disait, avec des choses déjà apprises, et que du coup, il faudrait inhiber trop de choses pour permettre de lire. Donc la culture va progressivement converger. Il y a aussi une évolution culturelle, par exemple, vers des formes comme le A, qui n'a plus rien à voir avec les cornes. Le A majuscule, au départ, c'était les cornes du bœuf. Bon, on ne voit plus du tout de cornes de bœuf quand on regarde un A. Donc, il y a une coévolution entre une culture qui veut profiter de notre groupe social pour inventer des nouveaux objets pour nous rendre la vie la plus agréable possible, et puis un cerveau qui doit s'adapter à ces objets, et ces objets qui doivent s'adapter à notre cerveau. Ce qui est intéressant, c'est que donc on voit l'évolution vers la lecture et vers les alphabets. Il y a un autre recyclage qui se produit assez tôt, au moment de l'apprentissage du calcul, où là aussi il y a déjà des réseaux neuronaux qui permettent aux nouveau-nés, aux petits-enfants, de quantifier des choses et on bascule d'un système à l'autre, c'est ça, Grégoire Borst, en quelque sorte? C'est-à-dire qu'on on va recruter une partie du cerveau qui est notre sillon intrapariétal, donc en gros c'est notre cortex pariétal, qui va répondre effectivement, qui va nous permettre de façon extrêmement automatique et très rapide de quantifier de façon approximative les éléments dans notre environnement. Donc c'est quelque chose d'adaptatif, on en a besoin. Et puis à un moment, on va passer du non symbolique au symbolique. Et il va falloir effectivement qu'il y ait un recyclage de même nature, enfin d'une nature qui n'est pas exactement la même que pour la lecture, mais comparable dans ces régions-là aussi. Parce que c'est ce qui produit, par exemple, que quand on fait une addition, on a tendance à, de façon très rapide, on va avoir tendance à surestimer, par exemple, le produit de cette addition, alors qu'on aurait tendance à sous-estimer le produit d'une soustraction. Et de la même pour la multiplication et la soustraction. Ou ces biais qu'on peut avoir plus tard de considérer que la multiplication, que le produit d'une multiplication fait forcément un chiffre plus grand que les deux chiffres qui sont impliqué dans la multiplication. Alors que ça marche très bien tant que c'est des nombres entiers. Puis dès que c'est des nombres rationnels, ça marche plus. Et donc il y a toujours cette idée qu'effectivement, on crée des automatismes, on recycle, on réutilise des parties de notre cerveau qui sont à l'origine, par exemple, dans l'estimation approximative du nombre. Il y a évidemment des grandeurs qui sont pertinentes, la numérosité est pertinente, mais il y a des grandeurs non pertinentes. Il y a par exemple la dispersion des objets, il y a par exemple la taille des objets en tant que tels qui peuvent nous amener à nous tromper. Et notre cerveau, il doit aussi apprendre d'une certaine manière, pour comprendre que le nombre est indépendant d'autres grandeurs non pertinentes, il va falloir qu'il apprenne aussi progressivement à dégager le nombre d'un certain nombre de grandeurs physiques non pertinentes. Ghislaine Dehaene, sur ce passage de la quantification au calcul et à l'arithmétique, peut-être ? Oui, enfin, c'est comme beaucoup de... Enfin, comme pour le langage, la lecture, le nombre. On partage beaucoup de choses avec l'animal. Et d'ailleurs, quand on parle des neurosciences, je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi que les études comparatives avec l'animal sont une donnée beaucoup plus, qu'on utilise beaucoup plus fréquemment, ou même en psychologie cognitive, que ce qui était utilisé avant. Et donc, on voit, par exemple, qu'on partage avec le macaque des circuits très communs et pour l'appréciation des quantités et pour la reconnaissance des formes. Donc c'est là que ça devient intéressant pour nous, c'est de savoir comment est-ce qu'on passe d'un cerveau de primate ou de grand singe à un cerveau culturel. Et donc quel type de transformation on doit appliquer à ce cerveau pour qu'il puisse apprendre ces objets qui deviennent des objets très symboliques, comme les nombres exacts, comme les mots que vous avez dans un livre. On a évoqué rapidement, et puis on va parler dans quelques instants de ce que les progrès technologiques en termes d'imagerie nous ont permis également nous ont apporté comme connaissances pour mieux appréhender ces techniques d'apprentissage. Mais on a parlé donc de lire et rire compter. Qu'en est-il de l'apprentissage de la faculté à raisonner ou à analyser, Ghislaine Dehaene? Est-ce que ce sont des mêmes réseaux d'acquisition? Est-ce que c'est très distinct? Oui, alors moi je dirais que c'est assez marrant aussi, parce que c'est des choses sur lesquelles qui nous intéressent aussi chez le bébé. Est-ce qu'un bébé peut raisonner? À partir de quel âge il est capable, par exemple, d'apprécier la causalité? Et en fait, c'est là aussi très très tôt. C'est-à-dire que on a eu beaucoup l'impression que... on a sous-estimé un petit peu les compétences précoces, où on a pensé que c'était l'école qui apportait tout ça. Et en fait, là encore, pour raisonner comme pour compter, comme pour écrire, il y a des bases. On ne vient pas n'importe comment, on n'arrive pas nu à l'école. Et ces choses existent très précocement. Maintenant, c'est peut-être Grégoire qui est plus familier de l'enfant plus grand qui peut vous... Non, mais c'est ça qui est passionnant dans le développement. C'est-à-dire qu'effectivement, le bébé naît déjà avec un outillage extrêmement important. Il a des proto-algorithmes de raisonnement qui lui permettent permettent d'appréhender le monde et les propriétés physiques du monde. Le principe de solidité, le principe de continuité, tout ça qui semble à des moments du développement disparaître. C'est-à-dire que c'est ce que montraient les tâches piagétiennes. Alors, avec toutes leurs limites, évidemment. Mais dans les tâches piagétiennes, on avait l'impression qu'à un moment, le bébé ne comprenait pas que le principe de solidité des objets, puisque avant 8-10 mois, il n'était pas capable de réussir la tâche, ce qu'on appelle la tâche d'annombé. On cache un objet sous un cache A, et puis à un moment du dispositif, après un certain nombre de répétitions, on va cacher l'objet sous B. Et tout d'un coup, de façon très surprenante, le bébé continue à aller chercher l'objet sous A. Et Piaget disait, il n'a pas encore compris le principe de permanence de l'objet. Donc l'idée que si l'objet n'est plus présent à ses sens, à ce moment-là, le bébé ne comprendrait plus qu'il existe. Sauf qu'en fait, en s'adaptant au répertoire comportemental du bébé, en utilisant par exemple des expériences sur le temps de regard, où on comparait le temps de regard dans différentes situations, des situations possibles et impossibles par rapport aux principes physiques qui régissent les objets, on s'est rendu compte que le bébé avait plein de compétences comme ça. Et dans le même temps, on se rend compte, et ça c'est toute la psychologie du raisonnement, et notamment de Kahneman, qui montre que dans le même temps, l'adulte est complètement biaisé dans certaines situations de raisonnement. C'est-à-dire que si on lui dit une balle à une batte coûte 1,10€, la balle coûte 1€ de plus que la batte, tout le monde dit que la balle coûte 10 centimes. Donc en fait, la bonne réponse, c'est 5 centimes. Sauf que en fait, il y a un piège en fait lexical qui est plus que, qui nous amène systématiquement à faire une soustraction. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Basking the sun, praying, asking for one more day out of hundreds of now. Stating inshallah, die later now. Take another one of the dumber than dumber number. Summon under the cover, brother. I'ma just come, create a lung, take a breath. While my tongue, take a left, redirect in itself. You can dub, tape cassettes, and I love taking checks. Cause I'm always breaking sweat. Work your plan your work. No one wants to stay in debt, dude. I'm a rock till there ain't nothing else. They try to shot block, but we aim straight in debts. Brace yourself, the name is to me, the database rep. J-Sec break next, cause this here bass wrecks, and it's clear fate bless me to tear waste heads to the rear. Make records you cheer. Wait, let's make it clear. Follow Dave, Tiago, and I just play him. It's vital that y'all obey with the rhyming that's out the way. Inside you like lingerie, make vinyls just fly away. Cause I'm live like Saturday night. Yo, something ain't right. Make it hot, hip hop, nonstop. Got a lot of rock spots from the south of Africa, nonstop. From the baseline, the breakdown is felt. Down in Cape Town and Lakeside, you may find that Shaytown hate sound. So we make it louder when making power on top of lava rocks. Yada yada, so on and so on it goes. Ain't no stopping us here. Either you with it or you ain't. I'm gonna rock to this here. Ain't no stopping us here. Either you with it or you ain't. I'm gonna rock to this here. Il est 16h32, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. Nous parlons des mécaniques de l'apprentissage tout au long de cette heure avec Ghislaine Dehaene-Lambert, qui est pédiatre, directrice de l'équipe de neuroimagerie du développement à Neurospin, et Grégoire Borse, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives à l'Université Paris-Descartes. Et si l'on peut évidemment apprendre à tout âge, comme nous venons de le voir, l'enfance et l'adolescence sont évidemment des périodes cruciales pour le développement du cerveau, et les récents progrès en matière d'imagerie médicale non invasive ont permis permis de bien mieux comprendre les mécaniques cérébrales à l'œuvre. Bonjour Céline Lozem. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous qui avez particulièrement bien appris et qui avez le cerveau très bien fait, ouh là là. Vous vous êtes rendu à l'hôpital Sainte-Anne à Paris pour nous expliquer comment l'on étudie l'apprentissage des adolescents, la tête dans la machine. La tête dans l'IRM, oui. Alors j'ai retrouvé votre collègue Arnaud Cachia, professeur en neurosciences, qui est actuellement en plein process avec son laboratoire Lapsidé de Paris Descartes. Je l'ai retrouvé donc à Sainte-Anne pour assister aux essais cliniques de son projet. Le principe est de placer l'adolescent dans l'IRM et de lui faire faire des exercices et dans le même temps d'observer son cerveau en pleine activité. Alors c'est un protocole qui implique 60 participants et on va comparer deux stratégies d'apprentissage différentes. Donc on va avoir 30 sujets qui vont s'entraîner avec une stratégie particulière, 30 sujets qui vont s'entraîner avec une autre stratégie particulière, et ensuite on va comparer au niveau du groupe avec des analyses statistiques les résultats issus de ces deux groupes de participants. Donc là on va se diriger vers l'IRM où on a actuellement un adolescent qui va faire la phase post-test. Exactement, donc le participant qu'on va voir là a réalisé pendant 5 semaines un apprentissage sur tablette tactile, 15 minutes par jour pendant 5 semaines, et donc on va mesurer en imagerie le fonctionnement et l'anatomie de son cerveau. Donc là, on est dans la salle des consoles où on pilote l'IRM. Stéphanie Lyon, je suis manipulatrice en recherche et je m'occupe de scanner les IRM des sujets. L'adolescent s'apprête à commencer la phase post-test. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, est une machine qui permet de mesurer différents aspects du cerveau, à la fois des aspects concernant son anatomie et des aspects concernant son fonctionnement. Et donc, en fonction des séquences que Stéphanie va lancer, on va pouvoir soit mesurer l'anatomie du cerveau, le volume de matière grise, le volume de matière blanche en chaque région du cerveau, soit mesurer le fonctionnement du cerveau au repos, donc lorsque le sujet ne fait rien, son fonctionnement de base. Également, on peut mesurer le fonctionnement du cerveau lorsque le sujet fait une tâche. Et donc, c'est ce qu'on voit par exemple sur cet écran. Là, ce que l'on voit, c'est toutes les secondes une image de la consommation d'oxygène en chaque coin du cerveau par le participant, alors que ce même participant dans l'IRM est en train de faire une petite tâche. Et donc ce que vous voyez là sur l'écran, c'est le retour vidéo de l'écran vidéo que le participant voit dans l'IRM. Donc là, le sujet doit réaliser 4 tâches dans l'IRM, et ces 4 tâches vont solliciter de manière différente le contrôle cognitif. Donc soit des tâches où ça va être plus le contrôle moteur qui va être sollicité, soit des tâches qui vont solliciter plus son impulsivité, soit des tâches qui vont solliciter sa mémoire de travail. Et donc ça va nous permettre comme ça de cartographier les différents réseaux cérébraux qui sont impliqués dans le contrôle cognitif. Émilie Salvia, donc maître de conférence au laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Donc ici, je m'occupe donc d'aider Stéphanie à acquérir les données et donc à lancer les tâches pour que le participant voit les différentes stimulations au cours de l'expérimentation. Là, j'étais en train de vous voir sur un petit programme. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Je vous vois griffonner aussi sur un papier. Donc ici, là, je prends des notes pour avoir quelques notes si jamais il y a eu des soucis pendant l'acquisition. Et ici, je lance les tâches que l'individu va voir à l'écran. Et donc, il faut lancer par un programme qui est MATLAB. Et donc, il va répondre à travers, via un pad. Alors là, c'est fini, là. L'exercice est fini. On va passer à un troisième exercice. Et donc là, je vais communiquer avec le participant qui est dans la machine. Et donc, je vais lui redonner les consignes. Ça a toujours Gabriel ? Est-ce que c'est bon, là, tu peux continuer à... Parce qu'on a encore 2 tâches et une séquence derrière. Il a mal au dos. C'est OK là, pour la prochaine tâche ou pas? Est-ce que tu souhaites qu'on t'enlève le coussin sous les jambes? Oui, je veux bien. D'accord, je vais entrer dans la salle. T'essayes de pas bouger la tête et je t'enlève le coussin. Là, ça fait combien de temps qu'il est à l'intérieur? Là, ça va faire 50 minutes, là. Donc en gros, les participants restent entre 1h et 1h10 dans l'IRM pour faire toutes les tâches. Donc je te rappelle, la DOT, c'est la tâche avec les pastilles blanches et les pastilles vertes. Donc la condition avec les pastilles blanches, tu vas voir une grille blanche avec des pastilles blanches qui vont apparaître dans cette grille. Donc tu les regardes bien. Puis ensuite, une grille orange, donc tu attends. Puis de nouveau, une grille blanche avec une pastille blanche qui apparaît dans cette grille. Et là, tu dois te dire si cette pastille appartient à la série de pastilles que tu as vues précédemment. Donc si oui, tu appuies sur le bouton de gauche, sinon tu appuies sur le bouton de droite. Allez, c'est parti. Donc là, ce qu'est en train de faire Emily, c'est de lancer le programme. Et donc là, c'est une phase un petit peu critique où il faut que l'ordinateur qui lance le programme se mettre en communication avec l'IRM pour que l'IRM soit synchronisé avec l'exécution des tâches. Est-ce que le sujet sait en temps réel s'il a réussi ou pas un exercice qui pourrait influer après sa psychologie et peut-être... Non, alors il n'y a pas de retour en direct de ses réussites ou de ses échecs à la tâche. Le sujet ne peut pas en quelque sorte tricher. Il ne peut pas faire semblant de bien répondre à une tâche parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'on attend de lui. En plus, c'est des tâches qui sont assez complexes. Donc, il fait au mieux et après, nous, on va analyser par la suite. Donc, ça permet de limiter les biais possibles pour ce genre d'évaluation cognitive. Là, en fait, l'objectif de ce genre d'approche est de pouvoir évaluer de manière rigoureuse et scientifique des méthodes d'apprentissage et de pouvoir bien comprendre les différents mécanismes, les différents facteurs qui sont impliqués dans la réceptivité à l'apprentissage, que ce soit des facteurs cérébraux, des facteurs socio-économiques qu'on étudie également, des facteurs génétiques, donc de pouvoir vraiment étudier les différents facteurs à tous les niveaux du vivant, les aspects les plus fondamentaux moléculaires des gènes jusqu'aux facteurs cognitifs et même aux facteurs sociaux et socio-économiques. Voilà le reportage de Céline Lozen auprès de votre collègue Arnaud Cacquia, avec qui vous co-signez Grégoire Borst, les méthodes en psychologie, le que sais-je, aux éditions Dubuff. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, à ces protocoles expérimentaux? Alors déjà, c'est un protocole expérimental qui effectivement s'inscrit aussi dans une démarche translationnelle. C'est-à-dire que l'idée est partie du fait qu'on allait mettre des tablettes dans les écoles, et on s'est dit, bon, les tablettes, a priori, à l'école, on sait ce qu'ils vont en faire, ils vont pouvoir renforcer les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. La vraie question, enfin, la question qu'on s'est posée, c'est de se dire, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer d'utiliser ces tablettes à la maison pour entraîner des mécanismes cognitifs plus spécifiques dont on pense qu'ils peuvent être importants pour bien raisonner? Alors, le mécanisme qui nous intéresse dans le laboratoire, comme vous avez pu vous en douter, c'est cette capacité de sortir, d'être flexible, de sortir de ces automatismes pour adopter une autre stratégie. C'est ce qu'on appelle inhibition, mais dans un sens positif du terme. C'est-à-dire, c'est la capacité à résister à un automatisme pour adopter une autre stratégie. C'est-à-dire qu'en règle générale, nos automatismes, ils marchent très bien. Très souvent, mais pas toujours. Et c'est toujours, on est toujours dans le diable est toujours dans les détails. C'est le mais pas toujours. Et donc à ce moment-là, il faut un mécanisme en fait de sélection de la bonne stratégie. Alors après, exactement quels sont les sous-processus qui sont en jeu, c'est plus complexe. Mais donc là, le vrai enjeu, c'était de se dire, est-ce qu'on, essayons de voir si on peut entraîner ce mécanisme. C'est pas du tout sûr que ça marche. Voilà, c'est une vraie démarche scientifique. Peut-être que ils vont devenir très bons dans les tâches qu'on entraîne et ça va absolument pas se transférer à des tâches de raisonnement ou à des tâches d'apprentissage scolaire. Mais au moins, on aura fait le job, c'est-à-dire qu'on aura essayé de voir si on peut modifier d'un point de vue neuroplastique des choses qui se passent dans le cerveau ou pas. C'est la vraie question et c'est complètement ouvert. On n'a pas de, enfin, on a des hypothèses, mais si ça marche pas, ça marche pas. C'est ça la science aussi. Et donc, c'est ce que fait Arnaud chez l'adolescent. Et en fait, on a une tâche en parallèle chez l'enfant. Donc, on fait exactement la même chose chez des enfants de 9-10 ans. Donc, on a deux projets en parallèle sur deux sites différents sur lesquels on essaye d'entraîner et de voir l'effet de ces apprentissages intensifs sur le cerveau, comme l'a dit Arnaud, et aussi quelles sont les contraintes cérébrales qui expliquent la réceptivité aux apprentissages. Parce qu'on sait qu'il y a des différences interindividuelles extrêmement fortes dans la façon dont le cerveau va être réceptif aux apprentissages. Donc, on étudie aussi tous ces facteurs-là. C'est pour ça qu'il a parlé de facteurs génétiques et de facteurs sociaux. Économique. On va reparler de ces inégalités face aux facultés d'apprentissage, mais c'est intéressant cette notion d'inhibition. Un de vos confrères également, Olivier Houdet, va sortir un livre le 13 septembre aux éditions Pommier qui s'appelle « Apprendre à résister ». On évoquait tout à l'heure la capacité, l'apprentissage de la réflexion, c'est-à-dire l'apprentissage de la capacité d'analyse. Or, cette notion d'inhibition, c'est-à-dire de résister à l'immédiateté d'une pensée ou d'un système heuristique, c'est quelque chose de très important, la construction justement de ces facultés de cette faculté analytique ou critique. En quelque sorte, Ghislaine Dehaene. Oui, certainement, parce qu'en fait, on a beaucoup de solutions à un problème, et donc il faut arriver à sélectionner la bonne. Donc, la capacité de se représenter d'abord les différentes solutions, et je pense qu'une des parties du développement, c'est d'arriver à maintenir en parallèle différentes solutions, et ensuite de sélectionner parmi ces solutions quelle est la bonne. Et effectivement, le jeune enfant va plutôt partir pour la première solution qui lui vient à l'esprit, ce qui est peut-être lié au fait que justement, du fait de sa maturité cérébrale, certaines régions vont répondre très rapidement, alors que d'autres régions qui ont un autre calendrier de maturation vont répondre plus tardivement. Et donc, ça explique que pour certains enfants, ils vont faire des erreurs que nous, adultes, on estime des erreurs, mais qui sont en fait logiques, étant donné leur état de développement du cerveau. Donc c'est une des choses aussi que j'aimerais faire comprendre à l'auditeur, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'erreur dans le sens pour nous. Il y a en fait des stratégies différentes qui sont toujours la plus adaptée pour ce cerveau donné. Et donc, parfois, pour nous, personne à l'extérieur, on trouve que c'est une erreur. Mais pour la personne, étant donné ce qu'elle sait et étant donné son cerveau à ce moment-là, c'est la meilleure solution qu'elle peut donner. Donc pour les professeurs, je pense que c'est important pour eux de comprendre que ce que apportent peut-être les neurosciences, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les stratégies qu'ont pu utiliser les enfants et pourquoi ils sont arrivés à cette erreur. Et donc une fois qu'on sait pourquoi ils sont arrivés à cette erreur, on peut essayer de leur faire comprendre que là ça va pas et qu'il y avait d'autres stratégies possibles et qu'en particulier il fallait peut-être inhiber cette première réponse qui était peut-être la plus logique quelques années auparavant, mais qui ne l'est plus quand on a 15 ans. C'est vraiment l'aspect fondamental. Il faut faire comprendre aux professeurs, je pense que ça c'est un vrai enjeu, que l'erreur, déjà ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est-à-dire que faire une erreur, ça nous permet d'apprendre et on apprend par essai erreur. Notre cerveau passe son temps à faire des anticipations et à se tromper et à corriger d'une certaine manière les anticipations qu'il a faites. Donc ça, c'est la première chose. Si la réalité ne correspond pas à ce que le cerveau a anticipé, ça nous arrive quotidiennement à se tromper et notre cerveau passe son temps à faire ça. Et la deuxième chose, c'est le statut de l'erreur. C'est-à-dire que l'erreur ne dit pas forcément qu'on ne sait pas. Ça veut dire qu'effectivement, c'est exactement ce que disait Ghislaine, c'est qu'on n'a pas utilisé la bonne stratégie dans ce contexte-là. C'est pas la plus adaptée pour nous, pour un adulte, mais pour le cerveau en développement de l'enfant, à ce moment-là, pour lui, c'est la stratégie la plus adaptée. Et effectivement, il faut lui apprendre, d'une certaine manière, à avoir une conscience méta-réflexive, méta-exécutive, on dit en psychologie, des stratégies qu'il a à disposition et de comment être flexible pour passer d'une stratégie à une autre, parce qu'effectivement, au cours du développement, il va pouvoir avoir un répertoire de stratégies plus grande et donc une potentialité que ces stratégies, d'une certaine manière, interfèrent les unes avec les autres. Donc, il va falloir aussi un système de contrôle. Et se développer, c'est aussi apprendre à contrôler les stratégies qu'on a à disposition. Et je pense que c'est important de dire ça aux professeurs des écoles. C'est-à-dire que déjà leur dire qu'ils enseignent un cerveau, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, non, mais c'est trivial, mais il faut le dire. Et la deuxième chose, c'est effectivement leur faire prendre conscience que l'erreur, c'est pas un problème en soi. C'est l'un des piliers, hein, ce qu'on appelle le retour d'information, l'importance de l'erreur. Ça veut dire que les neurosciences, les sciences cognitives enjoignent aux professeurs de ne pas sanctionner les erreurs, de les valoriser. Donc ça pose beaucoup de questions sur des enjeux pédagogiques d'aujourd'hui, notamment autour de la notation, qui a ses partisans, qui a ses détracteurs. C'est-à-dire qu'on a un peu aussi changé notre conception d'apprentissage. C'est-à-dire que si on en croit un peu le sens commun, le bébé, l'enfant était une espèce d'argile qu'on modelait. Alors à ce moment-là, l'erreur, c'était qu'il ne suivait pas notre modelage. En fait, ce que les théories actuelles ne sont pas du tout comme ça. C'est comme le disait Grégoire, en permanence, que fait un cerveau ? Un cerveau prédit ce qui va se passer. Et donc, il va prédire en fonction de ce qu'il a déjà su, de son expérience. Et donc, parfois, ses prédictions sont des erreurs. Et donc, à ce moment-là, quand on pointe l'erreur, ou quand lui-même note l'erreur, il peut rectifier. Et c'est donc là qu'il apprend, c'est quand il va rectifier ses prédictions pour s'adapter encore mieux à l'environnement. Donc, l'erreur, en fait, maintenant, est vue comme, entre guillemets, positive. À l'inverse, il ne faut pas susciter les erreurs. Parce que je pense aussi, une des choses qu'on n'a peut-être pas encore abordées, c'est l'importance de la cognition sociale pour apprendre. Et l'humain est une espèce hyper sociable. Et l'enfant, du fait peut-être de sa longue période dépendante de l'adulte, pense qu'a priori un adulte est informatif. Et un adulte est juste, ne lui donne pas de fausses informations. C'est un implicite. C'est-à-dire, donc si on lui donne une mauvaise information, c'est complètement à l'inverse de ce qu'il attend et que l'information est complète. Et il y a des expériences très marrantes d'une de nos collègues qui s'appelle Laura Schulz où elle présente un objet tout nouveau avec différentes caractéristiques et soit le professeur, donc c'est des enfants de 5-6 ans ou en grande section de maternelle, soit le professeur démontre un des aspects d'utilisation de cet objet et le donne à l'enfant, soit il lui montre cette utilisation, puis son téléphone sonne, il dit « Excuse-moi, il faut que je réponde » et il lui donne l'enfant. Est-ce que l'objet. L'objet, pardon. C'est mieux que lui donner l'enfant. C'est donc il donne l'objet à l'enfant. Et donc la comparaison, c'est est-ce que l'enfant va chercher d'autres utilisations de l'objet en fonction de est-ce que l'information, enfin, est-ce que le professeur a été interrompu ou pas. Si le professeur n'a pas été interrompu, l'enfant se contente de ce qu'a dit le professeur. C'est-à-dire qu'il estime que le professeur avait largement le temps de lui donner toutes les informations. Il a donné qu'une seule information, donc il n'y a qu'une seule utilisation de cet objet. Par contre, s'il a été interrompu, l'enfant continue à chercher parce que sa cognition sociale lui dit « Mon professeur n'a pas pu terminer, donc il y a peut-être d'autres choses. » Donc ça insiste beaucoup, ces aspects-là, sur la façon dont on enseigne et sur la façon dont l'enfant attend un certain nombre de choses de l'adulte. Et je répète, il attend qu'il soit correct, qu'il soit complet, et il lui fait confiance. C'est justement on peut avoir des exemples dans des apprentissages extrêmement culturels, c'est-à-dire dans les apprentissages fondamentaux de l'école, typiquement une des règles, enfin une pseudo-règle que l'enfant en tout cas prend comme une règle parce qu'elle a été dans une interaction de tutelle donnée à l'enfant, c'est la marque du pluriel des noms. C'est-à-dire qu'à un moment, les profs en ont marre que les enfants oublient le S sur le pluriel des noms et ils lui donnent un truc, seulement il lui dit pas que c'est un truc. Il lui dit, bah écoute, c'est simple, après les, tu mets un S au mot qui suit. Très bien, ton tact. Donc lui, il l'utilise comme une règle au même titre que la règle d'accord du sujet et du verbe ou la règle d'accord au pluriel des noms. Sauf qu'à partir du moment où il est dans une phrase du type « je les mange », il met un « s » à « mange » ou « je les pilote », encore pire, puisque « pilote », c'est un nom et un verbe, il va mettre un « s » à « pilote ». Tout le monde dit « on ne comprend pas pourquoi il fait cette erreur ». Mais ça, il faut effectivement faire très attention, c'est-à-dire que l'enfant, par définition, il va croire que quand il est dans une interaction de tutelle avec vous, que vous lui donnez une règle à appliquer de façon systématique. Donc, absolue. Il faut faire attention. Et généralisable. Et il faut faire très attention à ça, c'est-à-dire qu'il faut expliquer à l'enfant systématiquement que par moment on lui donne des trucs, mais qui ne sont pas généralisables. Et je pense qu'il faut en appeler vraiment à l'intelligence des enfants, c'est-à-dire que les enfants, ils comprennent plein de choses. Si vous leur dites, regarde, cette règle, elle s'applique dans telle situation, ils sont capables de le comprendre. Par contre, si vous ne lui dites pas, ils surgénéralisent systématiquement. Une expérience très, très intéressante de, à nouveau, nos amis hongrois, qui montre un enfant donc, de 2 ans qui arrive au laboratoire et il a devant lui un expérimentateur qui a un verre orange, disons, et un verre vert. Et puis l'expérimentateur le regarde, fait « burk » en prenant le verre orange. Cet expérimentateur sort, un autre rentre et il demande un verre à l'enfant. Si l'expérimentateur, le premier s'est comporté comme je l'ai dit, a regardé l'enfant et a fait burk, l'enfant va donner l'autre. Mais maintenant, deuxième situation, le premier expérimentateur n'a jamais regardé l'enfant et a fait burk et puis est parti. Dans ce cas-là, pour le deuxième expérimentateur, l'enfant choisit l'un ou l'autre. Qu'est-ce qu'a fait l'enfant dans ces deux situations? Dans la première situation, l'expérimentateur l'a regardé. Ça veut dire, je te donne une règle. Puisque je te regarde et que je fais burk, ça veut dire, en général, cette substance n'est pas bonne. Par contre, si je ne te regarde pas, ça veut dire, moi j'avais soif, j'ai pris cette chose-là, je ne trouve pas bon. C'est épisodique. Ça ne devient pas une règle. Voilà, ça ne devient pas une règle. Et l'enfant est très sensible à tous les indices comportementaux, les indices de visage, les indices de prosodie qui lui permettent de savoir, parce que ça, il a besoin de le savoir très tôt. Est-ce que ce que j'apprends, ce que maman est en train de faire, c'est pour que je l'apprenne tout le temps? Papa va faire la même chose, ma petite sœur aussi, ma grand-mère aussi. Ou est-ce que c'est juste papa qui a envie de faire ça aujourd'hui? Et donc, c'est très compliqué de savoir quand est-ce qu'on doit généraliser ou pas. Et donc, il faudrait apprendre aux professeurs un peu quels sont tous ces indices qui font dire à l'enfant, oui, là, je dois généraliser, là, non. Ça signifie inclure dans la formation des enseignants, quel que soit le niveau auquel ils interviennent, que ce soit pour les écoles maternelles et primaires, que ce soit plus tard pour le collège ou pour le lycée, des éléments, un bagage de neurosciences, de sciences cognitives qui permettrait justement d'améliorer directement auprès des enseignants de la pédagogie. Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus généralement revoir, repenser les programmes pour s'inspirer plus directement des neurosciences et des sciences cognitives? Je sais que par exemple le nouveau ministre de l'Éducation veut revoir l'apprentissage de la lecture. C'est impossible de ne pas en parler, puisque ça va, à chaque fois qu'on touche à ces sujets-là, ça met toujours un peu ça hystérise toujours un peu les situations. Mais néanmoins, enfin, il se revendique des travaux en neurosciences pour revenir à une pédagogie syllabique en lieu et place de la méthode globale. Qu'en pensez-vous, Grégoire Borst? Je vais dire quelque chose de plus général. C'est-à-dire que je pense que il faut effectivement repenser la formation initiale des professeurs des écoles et des gens qui seront ensuite professeurs, d'ailleurs au collège, au lycée. je pense qu'il faut le faire aussi à l'université, parce qu'on n'est pas immune, en étant professeur d'université, de ne pas savoir comment enseigner à ses étudiants, et même peut-être encore pire que d'autres professeurs. Je pense réellement qu'il faut, il faut pas être non plus naïf. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire les neurosciences vont régler le problème de la pédagogie en France. C'est sûr qu'il y a un problème d'intégration des différents niveaux d'explication. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer directement du cerveau à l'éducation. Par contre, en intégrant les différents niveaux, c'est-à-dire en comprenant, déjà en disant ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au professeur des écoles, vous apprenez à des cerveaux. Les cerveaux, ils se développent, ils continuent à se développer jusqu'à 25 ans. Ce n'est pas complètement absurde de dire ça, parce qu'on considère que normalement à 18 ans, on est adulte. Ah ben non, mais finalement, notre maturation cérébrale, elle continue jusqu'à 20, 25 ans, notamment pour notre cortex préfrontal qui nous permet de prendre des décisions raisonnées sur le monde. Donc ça, il faut le dire. La deuxième chose, c'est de leur dire effectivement tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, il y a des petits trucs comme ça qui existent dans la psychologie scolaire, dans la psychologie des apprentissages, depuis 60 ans. On a ces données disponibles depuis très longtemps. Et il y a plein de choses. On sait par exemple que l'apprentissage ça marche mieux que l'apprentissage massé. Essayons d'imaginer, d'une certaine manière, une révolution de la pédagogie en France basée sur ce qu'on sait du cerveau qui apprend. Un mot sur l'apprentissage distribué, l'apprentissage massé, c'est de dire qu'il vaut mieux apprendre par des petites périodes étalées dans le temps que dans des gros blocs de temps avec beaucoup d'informations. Il y a un rapport direct entre le temps avec lequel on va retenir une information et l'apprentissage distribué ou massé. C'est-à-dire que je dis souvent à mes étudiants, avant même qu'ils rentrent à l'université, en semaine de pré-rentrée, je leur dis, c'est simple, si vous apprenez juste avant votre examen, vous aurez peut-être votre examen, mais le lendemain, vous aurez tout oublié. Voilà, donc c'est un peu l'enjeu, je dirais, de qu'est-ce que vous venez faire à l'université. Alors là, c'est directement un apport des neurosciences, parce que le rôle du sommeil, par exemple, et de comment il faut aussi dormir pour apprendre, on peut tout à fait le mesurer chez l'animal, le mesurer... mais je pense que plus que les neurosciences, je pense que c'est la psychologie expérimentale, c'est-à-dire l'étude du comportement qu'on fait aussi en laboratoire pour savoir quels sont, comment se transforme notre écoute de la langue, comment on fait attention à, le fait qu'on ait par exemple ce qu'on appelle des clignements attentionnels, c'est-à-dire si on vous donne deux informations à la suite, vous n'allez pas percevoir la seconde tant que vous n'avez pas fini de traiter la première. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît bien mieux maintenant sur le fonctionnement du cerveau que devraient savoir les professeurs qui ont à enseigner. Ça ne veut pas dire qu'on leur dit quelle pédagogie ils doivent utiliser, mais de savoir un peu comme on met des lunettes, y a des choses à savoir, des trucs à savoir quand on doit parler à un enfant d'un certain âge. Que d'ailleurs, c'est des connaissances qui existent déjà en pédagogie. Maria Montessori a déjà fait beaucoup de choses. Et simplement, il faut peut-être les mettre un peu au goût du jour et surtout les enseigner, car on a eu un moment où il n'y avait plus d'enseignement à enseigner. Non, mais c'est vrai. Dans la formation initiale, dans la formation continue, je pense vraiment que les professeurs des écoles, ils sont en attente de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout, il ne faut pas croire qu'il y a dans le monde de l'éducation une réticence vis-à-vis de ça. C'est peut-être vrai pour certains secteurs, mais pas dans le monde de l'éducation. C'est-à-dire que les professeurs des écoles, dans leur grande majorité, ils sont curieux de savoir comment marche le cerveau d'un enfant. Ils sont curieux, effectivement, de connaître, d'avoir ces connaissances-là. Et encore une fois, il faut bien faire le distinguo. On n'est pas là pour donner des conseils en termes de pédagogie. Ça, c'est leur expertise. Nous, notre expertise, c'est de dire voilà comment le cerveau apprend, voilà comment on peut se baser sur certains, on a des connaissances dans le domaine de la psychologie sur un certain nombre de processus qui sont en jeu dans un certain nombre d'apprentissages, et d'une certaine manière au professeur de s'en emparer pour imaginer des nouvelles pédagogies que nous ensuite on devra, et ça c'est main dans la main avec le système éducatif, évaluer, parce que c'est ça aussi, la pédagogie de demain c'est aussi une pédagogie basée sur la preuve scientifique, c'est-à-dire que pré-test, post-test, exactement ce que vous avez expliqué à Arnaud tout à l'heure, pré-test, post-test, une condition test, une condition contrôle, et on a besoin de faire ça pour savoir ce qui marche moins bien, quelles sont les situations d'apprentissage qui marchent et comment les généraliser. Justine Dehaene, pour conclure en un mot justement sur ces liens qui n'ont pas toujours été très détendus entre l'éducation nationale, les enseignants et les neuroscientifiques. Parce que c'est souvent que l'éducation nationale ne comprend pas la démarche scientifique qui est, on sait à un moment donné, mais jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que aussi, ce qu'on a dit, par exemple, en médecine, qu'il fallait coucher les bébés sur le ventre parce que ça allait être mieux, après on s'est aperçu que c'était une totale erreur et on a changé. Donc parfois j'ai l'impression que les professeurs attendent une vérité vraie. Non, on a des hypothèses, on leur propose, après à eux de l'adapter et de venir nous dire, attendez, là ce que vous avez dit, ça, excusez-nous, mais ça ne marche pas du tout. À ce moment-là, nous on est d'accord, on va revoir et on recommence. Merci beaucoup Ghislaine Dehaene Lambert, merci beaucoup Grégoire Bort. Je rappelle Grégoire Bort que vous avez coécrit avec Arnaud Cacchia, que nous entendions tout à l'heure, Le que sais-je, les méthodes en psychologie au PUF. Également le 13 septembre, Apprendre à résister d'Olivier Houdet, qui est un petit ouvrage passionnant justement sur la façon que nous expliquions tout à l'heure de d'inhiber une certaine forme de réflexion automatique. C'est aux éditions du Pommier. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, avec Étienne-Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Céline Nozen, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique, Elisabeth Gornescoto au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture dans le grain à moudre, Hervé Gardette poursuivra la réflexion que nous avons engagée autour de cette table puisqu'il se demandera avec ses invités si les élèves ont besoin d'être notés. Donc vous voyez, une fin d'après-midi thématique sur France Culture, c'est normal, c'est la rentrée. Ce sera tout à l'heure, juste après le journal de 18h. Dans quelques instants, une nouvelle semaine de LSD, la série documentaire sur le salariat qui n'est pas mort, il bouge encore, c'est ce que vont me dire tout au long de la semaine Rémi Doit et Martine Abba. Pour ce qui nous concerne, eh bien demain on soufflera les 40 bougies de l'engin de confection humaine qui a parcouru le plus de distance au-delà de notre dernière planète connue. Il s'agit de la sonde Voyager.